tartine. Je suis une catin. Je suis si fragile qu'on me tienne la main. Je suis si fragile qu'on me tienne la main.